rasant sous leur barbe des cadavres jaunis. Les nuages pèsent, s'écroulent en silence. C'est la pluie qui ruisselle, muscule sur les visages, comme un acide céleste, des masques glacés. Trahi par un sourire qu'il croyait être sien.